que deru med ken wulli wuko ci anam go xamantene en tout cas borom xam yi rahmatullah alim lu ci beuri ci ñom wallu upp fu ci ñom wute ak imam az-zuhri rahmatullah par exemple ñom dañu japp ne ndox mi dagan lan na ha ndox mi noki bi ndabli manam moy der bi comme wulli wuñ ko boba bo boko jele ki ko def ci ndox ndox mi ci bopam bu jele tiaf ka gi wala xet gi wala melaw da ngay gis ndox mi day daal di sobe wu day daal di yak kon mu tekkale fofu entre li nga xamantene dafa dañ koy jëfëndiko ngir ne manam du wañi dara mom ci jëmbi bopam waye ak li nga xamantene mom day yak li nga xamantene mom moy ndox mi manam kon o moma kon bu boba amna benen tekantal bu mu def ci bir li nga xamantene kon mom moy ciosan moy ndox mi blap kon lolo ciosan mu jëfëndiko mu utiliser kon hadith yu ñëkki ñaari ñëkki am yo xamantene hadith bi day ndox mi day yaq hatta bu yefir bu fekkentene comme que li tax dinañ ko gis inshallah li tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré won ñu jëfëndiko ndabal yefir comme niñ koy gisé ci hadith abu salam radhiyallahu anhu moy ne da fay moy dañ dul moy diko sobe ñom kon comme duñ moy diko sobe dañuy ragal bu ñom seen suñu ko jëfëndiko ye suñu ñam yi suñu ndox mi et cetera li ñuy jëfëndiko tamit and ak sobe bi kon ci kaw lolu comme lolu lañ ci ragal gis nga kon bu boba mu def différence entre yi nga xamantene dañ koy jëfëndiko pour manam mu def différence entre kon li dagan ngir jëmum li haram ngir jëmum ak li haram ngir luko garal mu def différence entre li nga xamantene bu ndox mi nekké day laté labalaté garawul amul ben problème batay ak li nga xamantene bu ci ndox mi nekké day sobeu wala bok ñu mën ta ndort ak sobeu ha muy ñaar yoy mu daldi mujjé nak li nga xamantene mom ci réparation rek la adi muy hadith bu jëk bi hadith bu mujj bi bok donc ci kaw lolu gis nañ d'une manière générale li nga xamantene mom moy yi adu ci li nga xamantene mom moy al imam al-hafiz rahimahullah ta'ala mu indi dinañ gis inshallah ta'ala ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci jëmi bopam jëfëndiko na ay xéeti ndap yo xamantene yu bari lañ ak tekantal yi nga xamantene ñoo adu yoy dañuy baye inshallah bu jotay bi di ñew ñu leral yu mel nonu yaatal ko inshallah wala mën na am sax du ko jar parce que d'autre façon comme liñ wax ci sante ci mbir moy dafa dagal te dafa lap te mënef nako jëfëndiko amma yi nga xamantene mom moy yi mata leral moy yi nga xamantene mom yoy lañuy téré parce que sharia da ngay gis ne souvent bu yi mo haramal mënef nako lim mën nañu xamne par exemple ci lek xam nañ ni mbam ko mom daganu to lek ak ndegment yi ñom daganu ñoo lek ak yu mel nonu xam nañ yi daganu to lek xam nañ ni par exemple nan mom sangara yi wañi xel ak yu mel nonu yoy ñom daganu ñoo nan li yaq yaram wir bu yaram yoy daganu ñoo jëfëndiko jaru daganu ñu ta nan yoy xam nañ ko yi jëri sepp dagan nañ manam par exemple sharia du ñew nan la par exemple mew dagan na orange dagan na deur sharia du def lool parce que ciosan ci mbiri moy dagan na legui li nga xamantene lay def moy dana nangam haram na mom loolu sharia di def wa parce que lan yi haram bari wuñ alors que yi dagan mom kenn mënul lim ñata la ci mbir yépp nak non la démé voilà loolu mom motax kon hatta ci wax da ngay gis da nan fen da haram na jow haram na rambaaj haram na yoy lay wax hein yoy lay wax mais du fi nek nan wax na ngam ha manam lune mu ne la dagan na lolu du ko def parce que yi dagan kenn mënu ko lim yi haram rek lañ mëna lim waaw da ngay xam bo xese ba tak yi haram motax yi haram ngay wara xam yow boko xese ba xam yi ci dess dagan nañ ay yi nga xamantene ñom ñoy yi war li nga xamne say obligation lañ yoy tamit nga xam ko boko xese ba xam da ngay xam ni kon yi ci dess duñ obligation kon bo xame yi obligatoire parce que yoy dañu limité wu aussi hein yi nga xamne dañu haram yoy tam dañu limité wu xam nañ nombre am nombre précis le yi ni dess yop dagan na def niki non bu la nexé bayyi kon ñu yom fofu inshallah bu dé am la ay ci question inshallah ñu dugg ci wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ni ke dama jënd ay dal ñu ne ma dal bi am na parti bo xamné peau de corps la wala ñu ne 80% dal bi peau de corps la 20% ay peau de vache maintenant man ma japp sol sama kawas di dem benn bërepp légi ñu néma dal bi 80% por la 20% bi vache la ma japp sol sama dal di dem fenn taw bu metti fekk ma ci yoon bi ma wara dem benn bërepp bërepp bi ma egg awma ndox pour ma japp té vu que dal bi peau de porc la et que amul na japp et que ndox bi duggu na ci bi dal bi est ce que mëna ci ñëw. Je sais pas si comprendre la question. Oui, je comprends. Première chose, c'est est-ce que le porc a une peau? Parce que le bambou a une terre. Non, est-ce qu'il a une terre? Parce que le bambou, il a une chose qui est une terre, car il a une chose. Ah, vous savez, parce que moi, je suis dit qu'il y a des gants. Les gants sont 100% pour le porc. Les gants sont pour le porc, donc il y a des calaires. Ah d'accord. Ah ok. Donc li ñuy wax pour le port. D'accord. Kon dañ koy nekkale. Ah parce que mangu mom ñu duñ ci sané dara. Ah c'est bon dans le port expression. Là, tout est bon dans le port. Voilà. Voilà. Légui. En tout état de cause. Lolu ay borom xam xam yi rahmatullah dañ ci wax ay wax yu bari yu wuté yu xoot yu bari parce que xamna ni dal ngir mëna teunk wax ji moy li sam moy lolu bañ ko jëfëndiko lolu moy li sam moy nga moy d'ailleurs sol gi rek ci jëmi bopum nga bañ ko def yalla téré nak nga nan ay dal bi ki nak tawté nak sama yaram bi def na ci nangam ak yoyu parce que dafa haram li nga xamantene mom moy mbam khukh ba pare mbam khukh sa borom subhanahu wa ta'ala daf ni innahu rijs sobe la comme mbam khukh sobe la ce qui fait que ni oh musique bi doyna ay wut sonari boy budul musique legui comme que sobe la en tout cas moy tindi ko moy gën inshallah dinañ tékantalat bu baax masala bobu donté li nga xamantene mom lañ wax moy comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax dinañ ko gis ci hadith yi moy hadith ibn abbas radhiyallahu anhu moy ñettelu hadith bi nga xamantene daf na iza dubi khal ihab faqat tahura wala mu ayyuma ihabin dubi kha faqat tahura bepp na der bo xamantene wulli nañ ko manam traité nañ ko boba day da nek lo xamantene dafa lap lolou mom day tekkale ne ko lepp lo xamne der la bo xamantene dañ ko traiter boba day lap lolou moy li deugal inshallah waye nak li nga xamantene mom moy li geuna sam moy li nga xamantene mom moy der parce que lolou meun nañ ci gide gene bepp der wa mais dafa am lo xamantene sharia ci bopam mo la teela wax ci tosan la mom do tout façon sobe la moy lu demé nek mbax ko ala kulli hal motax yoy mom moy li nga xamne mom moy li geuna sam lolou moy gis gisu hanafiyyi rahmatullah alayhim amana moy li gëna deugal ci bobu masala wallahu ta'ala a'lam wala surtout ko nawu so wa lol kay yama jaxal ñu yama jaxal amna ben question bu ko ci bi wa bismillah comme yo sa affaire sat ko sat xaw manam mas na ko xaw taw ski da dem sa keur sa xel da lay yedd ga ki rut day tout day jaar xabi delo ko borom est ce que atté bi da dal ci wopp parmaté de da baye ma taw ski baax ne no atté bi te ko sa kaw ndax ay bi nan wala man taw min qabl an taqdiru alayhim fa inna allaha ghafurur rahim kep ko xamne da nga tup avant ngeen di am manam ngeen koy japp na ngeen xamne yalla mom kafur ku yaatu djegal la rahimun ku yaatu yermande la manam moy kon degen koy djegal lol mom moy do len ko def dara manam pen yi ñi wax ci kuy def deli yi yenn deli yi moy su fekente dañ la japp mais su fekente ne yow ya ñew tup ci wax ne ah man li ke da na ko def way ba na ko comme addu kalbe ak yu demé nek non parce que addu kalbe waji nangu no yofi jambour yu bari def la hein amna no len koy tuddé moy gaay yi day rombu ci auto bi auto ci ci mbéd mi hein pick pocket exactement voilà moy day ñew taxaw ci waaw taxaw ci feu rouge bi rek di xaar ki rek rek ñoo yoy ku koy def fekk japp guñ la am manam nga ñew touba delu suwat bay nonu boba duñ la tek dani mais est ce que da nga am tiyaba hein wa da nga am tiyaba parce que da nga toup parce que da nga toup waye aussi ben affaire amna moy lolu du teggi manam li nga xamantene moy réparation bi ko wara def dedet du teggi le fait que alal gi nga xamantene alalu jambour la nga jël ko lolou duko teggi dang ko delo wa lolou la voilà voilà non la manam même bo ñewé ni toub na légui bayina ko tout ça mais dang koy delo comme li li gaay li bamu dess xala ka bobu comme li jaay def ci balé yi nga xamantene day gis ben wa mo xamné day jaay zorom jël alalu jambour ju bare xam nga comme drogue milieu bi dañuy lebalante ñu jël ay millions yu jambour légui nak après nak nga commencé nak légui commencé bayyi sikim bi sol ay affaire sama buñu rom wa bi mi salam aleikum buñu waxé nga ni allah mo frère astaghfirullah buñu waxé ha té da nga jël xaliss jambour yi ba paré Wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo fa wa lor wajibo yow ki nga ko delo nga ko wala li nga legui ak bi ci teggu lool mom soit da la koy bal rek ba mom mu xol no len di degowé la bekk bu né France wa nga ñew di delo nga ñew nga gis ci buntu parti sans laisser d'adresse legui yow no def legui non lool tamit amna benen effectivement lool mën na né moy ko xamantene dafa tuxu té bayiwul adresse té boba nak da ngay obligé wër ko su fekkenté né par exemple mën nga xol no def parce que da ngay mën nga def am moyen yo xamné mën nga enquête ba xam fan la dëkk su fekkenté né moyen yoy trouvé wuloko manam xamulo fan la dëkk su boba ni ngay def moy da ngay dem nga jël parti bobu non manam li nga xamanté né mom nga jël dang koy saraxé comme Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu boba dang koy saraxé soko saraxé wé nga daali am manam ngi yene ko li nga xamne mom moy tiyabe andak ne so deme ba gis ko wala nga gis ay ndonom manam bu boba du téré nga mën ko nga mën len ko dello lolou du ko wañu du façon préjudice matériel mo koy dello wala djéggelé préjudice matériel mo koy dello wala lu ko nuru parce que xam nga tay bu fekkante ne parce que xam nga matériel bi soit exactement li ma jël ci yow comme boudé xar mom la lay dello bu ma la meunta dello xar mi damay wut xar bu tolok bobu manam bu ko nuru bu ko jégué bu tolok mom valeur wala mopp ko touti ma dello lako suma ko manul ma doga mana dello ndik wa yoy la manam ñett yoy lañ koy dello suma man legi nak wala nga djegal mais mbir mom du nek lo xamantene daf may wacc wallahu ta'ala sarax bi mom waji ngay saraxel bi so bob non waji ngay saraxel mais même avec lolu bis bo demé ba gis ko dang koy delo yefum logo de yoy est ce que sarax bi day delu ci yow wa sarax bi mom boba sarax bi day delu ci yow yoll wa legui mom momatu ko parce que mom bëggul sarax bi parce que saraxé bi limuy jariñ moy bu yowmal qiyamé mom bu taxawé laj la haqu bobu non nga jël li nga xamantene mom moy li nga saraxé won manam li nga ci amé nga jox ko ko bo baba yow dara dula top manam do sey jëf yu bax buñu wañé ko à cause de lolu lolu la saraxé bi jariñ mais saraxé bi jariñul rek pour man ma génné ci après voilà c'est bon saraxé ron na la ko yoy dedet do jël alalu jambour ba paré nan ko ñu wax na la saraxé lolon na la ko boko saraxé voilà hein do non Allah ta'ala ala légui non na ben laj ci par rapport ak thème dëndu quoi éducation ko na wax par exemple dañu gis ni amna parents yo xamné ci éducation bi day may divergence de point de vue par exemple ma samba dé nan mu déssama doom bu mu sañon mu def li mo ngay né ko dédé man ni lay démé par exemple dina dem ba ci kay yu bari han koku même bo observer yow je crois que mo def ni nga xam lu bari ma samba day bëgg jël par exemple domam né mom da ko yobbu da koy délo ko liko hmm ñu jang fa mbay mo ngay neko dédét man xalé dañuy son nangam ak nangam té xam nga ni ma samba comme mom kliftif ci kër gi bu ko ciok nogay mu nako ni lay jafé jafé ci dëgg bi légui yow lolu kaabu non ñu ko jéré ah dem bëggu na la ko laaj mais de fekk temps bi jéx lolu yomou na nogay lañ nan nogay lañ nan choixu mbir yi adiwul ci yow ci ma sambala adi parce que lolu fu mu leer parce que lolu feek leeru parce que waxtan bi dafa nek lo xamne lu am solo la ci bir keur ñu ne ma samba ak nogay nañuy waxtane di mbir yi di dego mbir yi tamit di am parce que leg leg ma samba wax lo xamantene nogay bu inde xalaatam ñom ñaar suñ ko boole mën dañ ci juré lo xamantene ma samba xalaatu ko won nogay xalaatu ko won leg leg tamit ma samba wax lo xamantene nogay da cey xamé ni mom ndek ci erreur la doon xalaat leg leg nogay wax lo xamantene ma samba da cey xamé ni mom erreur la doon xalaat yoy yep day am waye ala kul hal bu demé ba nga xamantene nak ben décision mom lañu wara jël té décision bob ben décision final lay doon té ñom ñaar de toute façon mënu ñoo d'accord li nga xamné mom lañuy wax bo wa nogay lañu naan xam nga lan la da ngay bayyi sa li ngay xalaat nga jël ki nga xamantene mom moy masamba nga bayiko mu joxe décision té lool mom moy li nga xamné lool mom moy firi ay bi nan walil rijal alayhin daraja goor ñi wala hunna mithlu alladhi alayhin bil ma'ruf wal rijal alayhin daraja jigeen ñi dañoo am même droit yi nga xamantene mom la goor ñi am waye nak li nga xamantene mom moy daraja kliftef koku nak goor ñi ñoko am ci kaw jigeen ñi parce que lool mom moy lepp dans toute chose c'est à dire que kéro rek ma ngoy wax ni ma don andal ci voyage bi biñu ay tubab lañ biñu waxtaan ba yexi ci point bu mel non manu chauffeur bi yow tay instant bi ni man ak ñun ñi ño bok nek ci auto bi tay buñ doon waxtaan yow nga ni ma yoon bi mo bax man la yoon bi mo bax te yow ya yor volant bi a un moment donné il faut nga jël ben direction parce que mënu ñu top tamit kenn ku ci nek na soit nan kon duñu dem wala man mi nga xamantene man duma chauffeur duma dara may jël décision bi lolou mën ta nek il faut mu am a un moment donné même bu fekke da nga joom buñ démé ba ci kanam dinañu remarquer né da nga joomul après ñu déllu wat ginnaw mais au moins une décision war nañ ko jël c'est ça chef d'entreprise bu mëna doon à un moment donné mom ak ñi nga xamantene ñom lay ligéyandol duñu d'accord ci affaire mais mom moy jël décision bi na jël décision bi buñ démé ba ci kanam ñu gis né peut-être dafa nékkon ci erreur ñu né ah légui il faut ñu reconnaître que dañ nékkon ci erreur légui ñu jëlat benen yoon ha président mën na ñek fi ci daayira bi président jël ñuy waxtaan ci ben affaire d'accorduñ ci dara président hey légui li lañuy def jël ben décision buñ démé ba ci kanam mën nañ gis ni effectivement dafa defon erreur ñu daal ni wa d'accord comme parce que tam ñu ñoko def président donc à un moment donné il faut ñu bayiko muy jël décision yenn yi nga xamantene buñ d'accordu mu jël décision ci parce que lool fokk mu am su amul dara du dox lool muy lepp ah amuma do rek legui nak buñu déme ba ci kanam gis ni dafa defone erreur ñun ñep ñu dak ñu dajalo wat ni ah gaay xamnañ ni kat li décision bi erreur lool legui nak ni ñi def moy parce que mënon na nek décision bi bax mënon na nek décision bu won bi donc lool mom motax ah amuma do rek il faut que ñu bayyi ki xamantene mom moy kilifa mbiri ci lu mëna doon lu ci kër gi kessé mais ci lu mëna doon muy jël décision ñuy bayyi xel ni ki mom mo jël décision motax amna ben wax bu Sarkozy waxon wax ju am solo la dani aw dundu bi ni mu beuree problème est ce que lan ngeen bëgg ma def ko tok naan way alors français qu'est ce que vous pensez c'est là dire que problème lu mën di xew rek ma daal di taxaw gaay nañ def référendum mo xol français luñu xalaat du nonu c'est parce que buñ la falé tamit def la njit do fekk ni dafa am lutax kilifa nak ci bir kër mom la ñu tuddé chef de famille d'ailleurs dans toutes les langues langue yépp civilisation yépp xamnañ ni kilifa gi nga xamné mom moy ci bir kër gi mom moy ku goor ki comme ni nga xamantene non la ko alcorane waxé wonu ritual alayhi na daraja lool mom moy li nga xamantene mom mo jaadu wallahu ta'ala a'lam xewul ci yalla indi tout temps xewul ci yalla indi motax ke rak biñu demé liñu do ragal yépp dara amuti wa bismillah wala wala bu lay légui cadre figure bi nga xamné nogay mom position da koy tek ci diine way man exemple la parce que dañ dox parce que man limay poser wulay do wax lolou motax motax duma jël wulay wala ma jël ki jog jogulay da dama non wax au cas bu dé oulay position da ko tek ci diiné té kele ma semble lim koy wax dafa contraire diiné ka bobu légui mo top rek wala exactement là par contre parce que bo dégué ñuy wax affaire top li actual lo wax nañ la ko demb innama ta'fil ma'ruf fi ma'ruf top biñuy wax ci ñek motax na manam ci li nga xamné moy lu bax la c'est que dafa am fi ñuy wax décision yi ñuy wax moy décision yi nga xamanté na ay décision yu ki la you manam stratégique kessé la manam affaire stratégie la dafa aju ci politique manam ci gestion et cetera yo xamantene kenn ku ci ne mën na ci am deug ci lolo tax ñuy wax mais li nga xamantene ben deug ci am moy deug yalla bi koku mom ala kulli halin deug yalla bi mom lañuy faire valoir mom lañuy appliquer wallahu ta'ala a'lam dafa melni xati rek ti kon nak dang ko wara top ndax sa aljana ci mom laaju maneko wa legi mom bu demul aljana nak dirani bu demul aljana du lol meuna yobbu maneko okay kon yow fexel ba dem aljana yow okay la bay ci ko ci côté éducation ñu doon wax ni comme par exemple nogay jappane xalé yi ñom seen walu aduna il faut lepp mu ma ba ba nga xamne dafa bay walu den yaru diine dal legi fofu bu fekke way di mom amna importance pour décider wala jël décision fofu est ce dina ci am lepp bu fekke xali amuñu diine wala ki amna ci dina ci am bakka waaw parce que impuissance bi lan la parce que impuissance mënuñu ko tuddu parce que impuissance dafa reuy bat bu magal yaw mom yarna matukay yepp pour téré la nga defo wala pour ki la dafa pour galam kor la ci côté éducation religieuse non mais il faut nga def li non mais c'est que lolu ala ko xal yalla nti yalla musul amin mais voilà mais hein amna wa amna yalla nti yalla musul ala kulli hal mais lolu su amé yow il faut nga def li nga xamantene moy sa minimum li nga xamantene mom moy li meunta ñak parce que amna yo xamne nak meunta ñak meun nga ko yoyu nga def ko yoyu nga def ko ba pare souvent tamit do nit ki du ñak moyen de pression moyen bo xamne mom aussi daf ci meuna def pression quelle que soit la situation. Non mais le souci moy bo len tassé sey bi ci ñaari possibilité mo am moy soit xalé yi nogay koy téé té bu nogay téé xalé yi and ak xalaat bi ya manam yaq bu gëna graw lay def lool mom motax bu boba yow kay ni ngay def moy fexé wu téé nogay bu baax lool kay ngay def parce que non c'est vrai parce que au moment où à un moment donné yow nogay mom ci jëmi bopam mëna changer position mën nga naxanté ak mom au moment où mom ci bopam mëna changer position ko kay da ngay téé nogay bu baax dina aggravé wu wa même quel que soit parce que de toute façon téé ko tas bi mo gëna graw téé bi parce que day aggravé wu parce que boba day am champ libre ci def lu ne alors que bo la nekké yow di nga mën ndank ndank ngay mën di influencer xalé yi ci li nga bëgg té lool di nga ko mën influencer xalé yi mom di nga ko mën parce que xalé loko wax da koy retenir té bu boba dina mom dina am au moins choix wu ragné lan mo bax ak lan mo bon té dina xamné papam mom day lu bax lako don orienter yaayam moko don orienter ci lu baxul buy mag touti di commencer def distinguo bi buy mag touti rek di commencer def différence té su magé touti boba nak yaayam do ko mëna influencer totalement ci lu bon li lool do ko mëna lool nak ni mëna amé ci yaay di non la mëna amé ci papa ji comme ni nga xamné non lañ ko xamé ci suñu société hein yalla ñu yalla sam wallahu ta'ala a'lam. Am na ngay sax mën na baña bon mën na baña nek ko xamne ko bon la mais nit dina nek ben million ba yak ba noor ci yakane lolou mo deug waw exactement legui loxe mën na baña nek ko xamne ko bon la mais ko xamne xamul la voilà exactement ba paré société bi day am num koy def no xamantene tay yow mëno ko jëlé ci lolou ba paré soko ci bëggé jëlé day melni xolam nga bëgg jël tout simplement parce que lolou dafa ancré ci xolam bo beugé génné lol ci mom mi ngi melni xol bi rek ci bopam nga bëgg jël wékki ko rocc ko dem sa yoon té lol muñu tané yalla nañu yalla sa motax dag dag la lol la nak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax wax du am solo gi nga xamanténi mom hein mom la waxon bi mu nan bi muy joxe exemple jigen ni mu né comme far lañ mu né motax ki mus ku am xel da fay jëfëndiko far bi parce que far ni mu dengue non la jigen mel ñu bëgg ko ak ñu bañ ko mi lañu mel wa dang koy jëfëndiko yaron tibi sallallahu alayhi wasallam motax dang koy jëfëndiko we far lu mi yalla ci dégg won far auto ah d'accord kot non far lu de far wolof gi la voilà far wolof la kot voilà da am kot ak kotlet. Voilà. Voilà, code yi la. Légui. Bu baba comme parce que ci liñ ko bindé. Donc baba dang koy jëfëndiko comme ni nga xamantene exactement manam sans nga dam ko. Ñu laaj ko lan mo ngo ko nan lañ koy damé mu ne wa kasruha talaquha. Nga dam ko limi tek moy nga fassé ko. Lool moy nga dam ko. Kon mën nga ko jëfëndiko sans ngeen takaliko nga nek ak mom. Mais subtilement nga jëfëndiko nga jëfëndiko ko exactement kon exactement loolu day am manam duné dafa bon comme li nga wax légui jigéen ji duné dafa bon mais ni mu mel la c'est-à-dire que société bi mu maggé la ak ni nga xamanteni non la dundé la non la mel té yow bi ngoy tek xamone nga lool xamone nga ni ki ci milieu bi la maggé kon nak yow tamit dang koy té mais sauf que yow tamit tu es obligé nga diko orienté ci lu bax boko ci tané wé lol tamit motax gor ni war nañ tane tamit touti boko ci tane wé ci ngui koy orienter ci lu bax ndank lol moy tarbiya bo déggé tarbiya c'est comme nit magum jëm moy ñëw ci sëriñ né ko dama bëgg nga tarbiya ba tarbiya bob moy éducation spirituelle bob ndank la comme xalé bu ndaw tay bo bëggé muy yékk escalier yi di daw comme ni mag di def day am problème so leen dé wacc et cetera so lolou mën di def day am problème. Hein? Waaw, comme li serigne gaay di wax rek, amagum jëm néna mak magum jëm bo bëggé muy rawanté di daw même vitesse bi xalé bu tuti di daw comme vitesse bi morom papa bi di daw té mom xalé bu ndaw la soit duko atal am ko du mëna dem wala bu daawé même vitesse bi bobu day jullotu day jullotu bobu tax daal té wax na deug lo waxe tarbiyé non la démé c'est-à-dire que spirituellement ki ci fété souf ku fété souf spirituellement il faut nga xam ni nga koy jëlé ci souf and ak mom mam da ngay wacc niveau wum ci souf and ak mom di yégat mais ndank la lolou ndank la du tay ngay wax tobu saxal mbamu sulli du non tobu saxal mbamu sulli boko défé rek mom fokk da ngay sulli parce que do façon tobu bi nga def saxal ko légui ni mëno ko sulli légui mëna mënta sax légui ni leg leg résultat bi day ñew ay dizaine tane parfois mëna def dizaine tane parce que tamit lu xëss bo ne ci xolu nit mom pour nga dindiko ce dafa joxe mais nak yar ndank di délo ko diko délo ci yalla ndank di fexé muy dégg li nga xamné mom moy wax yu bax yi ndank di fexé ba muy dégg li nga xamanté mom moy waxu l'islam yi di fréquenter ñi nga xamanté ñom ñoy nit ñu sell ñi di gëna sori ñi nga xamanté ñom ñoy nit ñu doy war yi ndank bo témé ay wër di nga gis ni amna changement bu xew même bu fékénté ni lepp di ñul ci mom mais dina am tout changement bu yam té loolu boko jëlé ci ay at légui nga gis li nga bëgg yépp dang koy am ci mom inshallah yalla nañu yalla défal yoy ci ñi nga xamanté ñoy soxna yi yalla nañu ko yalla défal ci njabot gi itam yalla nañu ko yalla défal rek ci ñi ñi andal ñepp ci barké rasulullah sallallahu alayhi wasallam allah ta'ala a'lam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين